Ja. Yo. Je suis allongé dans mon lit. Il est tard, je suis crevé. Deux jours que je dors, deux heures. Le taf qui m'épuise. Et voilà que gise en mon âme des pensées sombres. La guerre mondiale, la seconde immonde. Les Allemands, l'occupation. Ce que les gens m'en ont rapporté. Les tickets rations, les repas imaginaires. Une empathie soudaine, j'essaye de réaliser le quotidien du moment. Je ressens la haine, l'impuissance, la douleur. Un Allemand qui rentre chez toi, qui bouffe le peu que t'as et qui exige de se faire servir par ta femme, celle que t'aimes le plus au monde. Quand elle passe, il la caresse, tu protestes, mais les deux autres soldats te donnent un coup de crosse dans la gueule. Ils te tiennent pendant que l'officier à la table, lui, se lève. Couche ta femme qui se débat, alors il la bat pour la rendre docile. Les trois uniformes rient et ta vision ralentit. L'enfer tu le vis, tu le vois, c'est chez toi. Les trois boches violent ta femme. Les trois boches violent ta femme. Et toi, tu restes là, impuissant, roué de coups, couché au sol. Eux, ça leur plaît que tu vois ça. La scène dure plus d'une heure, une éternité de douleur. La haine, la haine, la haine. À trois, elle se déchaîne, elle saigne. J'ai vu ça et j'ai réalisé que ça s'est passé il y a 65 ans seulement. Et comment l'homme a pu être aussi fou? Le mal enraciné dans l'âme. Et j'ai pensé aux juifs concentrés dans des camps, mourant de faim, de soif. Travaillant du soir au matin, je me suis mis à leur place au moment où un Allemand vient me chercher pour qu'enfin j'aille me laver. Ouf, un peu d'humanité. Mais non, dans cette pièce froide, au mur carrelé de blanc, je lève la tête en attendant que l'eau chaude coule. Mais la porte se ferme et le bruit du gaz s'entend. Je baisse la tête, je respire mal, certains hurlent, certains pleurent. Moi je ne vois que l'œuvre du mal, le plus puissant. Je suis déjà mort et là je pense qu'actuellement, dans le monde, la guerre fait rage un peu partout. Et que c'est nous qui fabriquons les armes et entretenons les conflits. Car ça rapporte de l'argent, des milliards par an, la guerre partout, sauf chez nous. Et j'ai compris que tant que nos dirigeants préféreront l'argent aux gens, la paix ne sera jamais. Car ça rapporte pas plein de fric d'être humaniste et d'aimer. La paix ne sera jamais. Car ça rapporte pas plein de fric d'être humaniste et d'aimer. C'est pour ça qu'ils nous abrutissent. C'est pour ça que les cris des morts sont moins bruyants que le frottement des billets. C'est pour ça qu'on entend le capital, mais pas le râle des balles. Mais pas le râle des balles. C'est pour ça qu'ils nous abrutissent. C'est pour ça que les cris des morts sont moins bruyants que le frottement des billets. C'est pour ça qu'on entend le capital, mais pas le râle des balles. Des balles. Mais pas le râle des balles.